Podcast des loulous, épisode 6. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir quoi, les petits loups? Dehors. Dehors? Le jardin? Ouais. Tu vas nous faire découvrir ton jardin? Et quoi d'autre, Ellie? Qu'est-ce que vous allez nous montrer dans le jardin? Bah, tout à l'heure, dans le jardin, on vous avait fait visiter. Et on a été voir les... jeux. On a été voir les jeux dehors. Et ça va faire du bien à tout le monde de faire le tour des jeux quand on est enfermé à la maison. Notamment pour ceux qui n'auraient pas de jardin. Oui. Allez, c'est parti, on y va. Alors, Ellie et Lou, vous nous présentez un petit peu le terrain, là? Qu'est-ce que vous avez comme jeu dans le coin? Alors, il y a la cabane. Elle sert à quoi, cette cabane? Bah, pour jouer dehors. Ah, c'est votre maison à vous, alors? Ouais. Toi aussi, là... t'habites dans cette maison-là, Lou? Ouais. Ouais? Là, je vous présente le but qui est pratiquement démonté. Qui est-ce qui a démonté le but? À Maroc. C'est qui à Maroc? Je connais pas, moi. C'est qui à Maroc, Lou? C'est le chien. Le chien? Et c'est ton copain, le chien? Non. C'est pas ton copain? Qu'est-ce qu'il a fait tout à l'heure? Il m'a sauté dessus. Et il t'a fait tomber? Oui. Et c'est un tout petit chien? Ouais, un bébé chien. Bah, il est tout petit? Ouais. C'est quoi comme chien? Un chien à Maroc. C'est un husky. Un husky. Allez, on continue la visite. On descend. Attention les trous, parce que le husky fait des trous. Alors, et là, on arrive où, Lou? Au trampoline. C'est à toi, le trampoline? Ouais. Ouais? Partout. Tu peux sauter partout? Ouais. Bah, t'as assez d'énergie pour sauter partout, toi? Ouais. Et t'en fais souvent? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, là, si on veut en faire? Faut pas aller dedans. Faut que papa y nettoie. Oh, il a une drôle de balle, le chien. C'est quoi, ici? Je présente les trois balançoires. Ma balançoire, la balançoire des livres. Mais alors, oui. Il y en a une pour vous, une pour Lou, une pour Ellie et une pour le chien. Non. Vous avez jamais essayé avec le chien? Non. Alors, y a deux balançoires simples et la troisième, elle est... double. Et tu préfères laquelle, toi? Double. La double? Pourquoi? Ouais, parce que elle peut monter jusqu'au toit de la maison. Jusqu'au toit de la maison? C'est un peu dangereux, ça, non? Bah, non. Et puis, c'est plus sympa d'en faire à deux. Bah, ouais. Bon, et là, c'est quoi, ici, Lou? Les orties. Ouais, t'as raison, il y a des orties. Et derrière les orties, c'est le... on peut aller voir là-bas. Ouais, on va voir là-bas, mais c'est quoi, ici? C'est le jardin de... maman. Et il y a quoi? Il y a un habitant dans le jardin de maman? Oui. Dans... c'est quoi comme habitant? Dans le trou là, où il y a plein d'eau et plein de bouts de bois, et bah il y a une grenouille là-dedans. Ah bon? Elle est de quelle couleur, la grenouille? Vert et noir. Et tu crois qu'on peut l'interviewer? Bah ouais. Tu crois qu'elle va répondre à nos questions, Lou? Ouais. On va la laisser tranquille, je crois qu'elle... attends, dort. Hein. Je vais faire quelque chose. Bah dis donc, tu fais super bien, la grenouille. On va voir le ruisseau un peu, voir s'il est rentré dans son lit. Pourquoi dans son lit? Où est-ce qu'il était avant le ruisseau? Avant, un jour, le ruisseau, il a débordé, mais débordé. Et mon papa, il a pris des photos pour me montrer. Je me suis dit, c'est incroyable ça. Allez, on avance, on va le voir le ruisseau. Il y a des canards, tu crois? Ouais. Lou, tu vois des canards? Non. Mais il y en a quand même. Ah, mais pour aller au ruisseau, c'est... fermé. Et pourquoi c'est fermé? Parce que papa, on veut pas qu'il tombe dans le ruisseau. Ah, tu veux pas que papa il tombe dans le ruisseau? Non, nous. Parce que tu tomberais dans le ruisseau, toi, Lou? Non, non. Ouais, et puis en plus, en ce moment, hein, il est un peu loin de la maison et on n'a plus le droit d'aller se promener trop loin de la maison. Là-dedans, il y a des canards. Il y a des canards? Tu les vois des fois? Ouais. Ils remontent sur le terrain? Ouais, et ils s'en vont. Non, après. Une fois, ils sont remontés sur le terrain, ils se sont dit, oh, il y a un barrage... je vais retourner dans le ruisseau. Ah d'accord, ok. Bon. Vous voulez que je les fasse venir? Ah bah écoute, essaye. Quoi? Ok, très bien. On a fini la visite du terrain? Oui. Non, tu veux nous montrer quoi d'autre, Lou? Ben... la maison d'un Maroc? Les bois. La maison d'un Maroc? Ouais. Alors, on est où, là? Au chenil. Et c'est pour qui, ça? Un Maroc. Lou, je croyais que c'était pour un toi. Maroc. Je croyais que c'était pour toi, moi, quand tu te mettais à hurler. Non. Non? Qui c'est qui va jouer dans le chenil à part Maroc? Il a briqué la croque. On va lui reprendre après. Qui c'est qui va jouer dans le chenil souvent à part Maroc? Lou. Ouais, je crois que toi, souvent tu vas jouer dans le chenil. Hein. Est-ce que c'est un jeu, le chenil? Ouais. Bah, qu'est-ce qu'il en dit, papa? Il dit non. Ouais, tu vas quand même. Et ouais. C'est fini pour la visite? Oui. Oui. Alors, c'est fini pour aujourd'hui? Oui. qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À dire au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À demain.